entre le blanc et le noir, j'ai du mal à tout garder. Je m'évade à en souffrir dans mes rêves éveillés. Presque à en mourir, mais je pars de l'autre côté, à vous de me retenir. On a souvent pardonné ceux qui ont tout laissé, mais le cœur de celui qui n'est pas facile à consoler. La sérénité, je vais enfin.